changer le bed. 94.2 Service compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Bonjour, bonjour les chroniqueurs, bonjour, bienvenue pour, c'est vrai que je baisse le son d'ailleurs, bienvenue pour ce nouveau pilote de l'émission La Matinale de 18h parce que l'idée c'est qu'on vient juste de se lever, hein, c'est ça l'idée. C'est ce qui vient de se passer. Donc pour présenter mes acolytes autour de cette table, j'ai James. Salut James, comment tu vas bien? Salut, écoutez, ça va très bien, on vient de se lever, on vient de prendre le petit-déj comme d'habitude, ouais. 18h. Hein, voilà. Et oui, effectivement. Et Jocelyn, ça va bien? Ah bah ça va, café, clope, le petit-déj, on est là. Bah voilà, impeccable. Donc c'est pour vous présenter un peu cette émission complètement décalée. C'est une émission qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. Ne vous inquiétez pas si on vous dit qu'il y a une bombe qui va exploser sur la Pastane. C'est faux. Et d'ailleurs, pour vous en prouver la preuve, hein, c'est comme ça qu'on dit. Prouver la preuve. On va passer tout de suite au journal de l'impro. Et journal de l'impro, on commence tout de suite par les informations internationales avec notre envoyé James. La Tanzanie a disparu depuis hier midi 35. En effet, Tristan, la Tanzanie aurait disparu hier dans la matinée. Les autorités locales d'Afrique ont constaté ça en regardant qu'effectivement les routes ne menaient plus en Tanzanie. Joint sur son lieu de vacances, le président tanzanien qui était en vacances à Saint-Barthélemy a déclaré qu'il n'était pas au courant d'une disparition de son pays et qu'il allait prolonger du coup ses vacances à Saint-Barthélemy. Victoire surprise du SPM aux élections législatives en Ouzbékistan. Effectivement, la politique ouzbèque a subi un séisme hier soir avec la victoire du SPM menée par le très controversé Viktor Ulyapov. À noter que le parti KSV devance le parti BSK qui lui-même a fait la surprise puisqu'il a obtenu le score de 5%, soit beaucoup plus que le parti WSE qui était jusque-là le favori pour dépasser la barre des 5%. A noter enfin que le parti de Igor Birsmanov, le DKESTU, fait lui moins de 2%, ce qui est également une surprise. Et enfin, les résultats d'un sondage en Suisse qui fait parler dans le monde entier. Et oui, ce sont 70% des Suisses qui se déclarent positivement favorables à une remise, qu'ils sont d'accord pour que la Suisse reprenne les armes et cesse d'être un pays neutre. Et la Suisse qui pourrait, dès le mois prochain, redevenir une puissance européenne qui fait trembler l'ensemble de la planète. Eh bien, merci James pour ces informations internationales. On passe tout de suite aux informations nationales et locales. Information nationale avec la découverte, et même locale, régionale, puisque c'est la découverte d'un nouveau sommet dans les Vosges d'une hauteur de 1350 mètres, Jocelyn. Et oui, tu l'as dit Tristan, très très local. Un sommet de 1350 mètres a été découvert par inadvertance, par un randonneur. Il aurait été caché depuis des décennies, voire même depuis la création de la France, derrière un brouillard épais, dit l'AFP. Très bien, merci. Un ancien a proposé ses services à l'Allemagne pour remplacer Angela Merkel. Oui, un ancien chevronné a décidé d'envoyer un fax à l'ambassade d'Allemagne pour proposer son nouveau plan politique, ses aides et aussi ses conseils, car apparemment il aurait réussi à battre Angela Merkel au golf mardi dernier. Oui, au golf. Et puis on termine avec une information qui demande encore à être vérifiée, mais source proche a été... Proche du sûr, en tout cas. Oui, proche du sûr. Un conducteur meusien aurait été vu en train de mettre son clignotant avant de tourner. Oui, en fait, c'est une caméra embarquée de la brigade d'anticriminalité de Meuse qui avait enregistré cet incident, cette infraction de la part d'un meusien qui, par erreur, en fait, en voulant changer la station de radio pour mettre Fadjet, aurait trébuché sur son clignotant droit. Donc, pas d'alarme, c'était non voulu. Très bien, merci pour ce Flash Info. On se retrouve dans une demi-heure pour le prochain Flash Info. Et tout de suite, la météo, c'est James qui nous parle de la météo. Oui, bien sûr, c'est moi qui vous parle de la météo. Écoutez, il fait pas très beau. Disons qu'il y a un peu de soleil. Voilà, merci. Il y a pas de soleil, il y a des nuages, quoi. Très bien, merci. On passe. Voilà. On s'écoute Julien Doré, et après ça, c'est l'éphéméride, puisque il s'est passé énormément de choses un 31 juillet. Ah, si, il y a un peu de soleil. Un peu de soleil. Oh. Ah, oui, je l'ai vu. Oui. D'accord, ok, merci, à tout de suite. De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Mais quoi qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, fatigue. C'était Kiki, Julien Doré. De 7h à 8h30, 94 de service compris sur Fadjet. L'éphéméride. L'éphéméride, c'est Diego. Ben oui, c'est Diego. Qu'est-ce qui nous est arrivé un 25 décembre? Un 25 décembre, déjà, c'est la Saint-Cruelle, là, le 25 décembre. Et ça, on le sait, on le fête d'ailleurs tous les 25 décembre. Mais malheureusement, nous fêtons aussi énormément de morts pour le 25 décembre. Nous fêtons la mort de Michel Drucker, Johnny Hallyday et Jack Sparrow. Les personnes qui sont nées aujourd'hui. Des anniversaires. Et oui, des anniversaires. Nous fêtons l'anniversaire très important de Patricia Cass, Michel et Tony, hein, qu'on embrasse. Mon dicton, le dicton que j'aime dire aujourd'hui, c'est le dicton d'aujourd'hui, c'est Toutes les portes ouvertes doivent être fermées pour éviter les courants d'air. Alors, toutes les portes ouvertes méritent d'être fermées pour les courants d'air. Est-ce pour que, éviter les courants d'air, est-ce oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de ce dicton? En fait, c'est très simple, c'est très simple. C'est du premier degré. C'est vraiment voilà. Les portes ouvertes font passer l'air, on les ferme, il n'y a plus d'air. Très bien. Je profite, je vous coupe tout de suite, Jocelyn. Diego. Vous êtes complètement faux. Parce que bah, vous connaissez l'actualité en Allemagne. Hein. Angela Merkel, le parti d'Angela Merkel a perdu et elle ne pourra pas de toute façon se représenter. Elle ne voulait pas se représenter. Il y a des grandes négociations entre le SPD et la CDU. Et nous avons notre envoyé spécial à Berlin. C'est Gérard Philippe. Gérard Philippe, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Alors oui, bonjour Tristan. Oui, Gérard Philippe, pouvez-vous nous dire où en sont les tractations actuellement entre le SPD et la CDU ? Alors oui, je suis actuellement au Reichstag à Berlin et alors là bon ils m'ont pas encore laissé rentrer si vous voulez. Je suis un peu devant. Alors j'ai vu des gens passer hein. Bon, je connais pas encore toutes les têtes, mais de ce que j'ai compris hein globalement, c'est que il y a effectivement des gens qui rentrent. Hein, ça c'est d'accord. Sûr. Il y a des gens qui rentrent dans le Reichstag hein, actuellement. Est-ce qu'il y a des personnes connues qui sont rentrées ? Alors je crois avoir reconnu le Helmut Kohl, je crois. Helmut Kohl est décédé malheureusement, donc je ne pense pas que ça soit lui que vous ayez pu voir. Alors c'était peut-être Gérard Louvin qui ressemble beaucoup à Helmut Kohl. Ah bah oui, peut-être. Je vais essayer de rentrer. Oui, je vais essayer de rentrer. Oui, on se rappelle. Là, je vais essayer. Oui. Oui, on se rappelle. Ich bin ein... D'accord, merci. Merci. Gérard Philippe, merci Diego pour cette éphéméride. On s'écoute tout de suite, c'est Cuny Williams, Come Back to Me, et après c'est l'inévitable horoscope du jour. Là, il veut plus lui. Oui, je prends pas le bon, c'est pour ça. Voilà. I told some lies and made you cry. Broke your heart. What a foolish guy. Played with your head. Cheated in bed. And though you knew, not a word you said. Now I'm begging you, baby, please come back to me. Back to me. Here is where you ought to be. Ought to my be. Days and nights are so lonely. Baby, come back to me. Baby, please come back to me. Back to me. Here is where you ought to be. Ought to my days and nights are so lonely. Baby, come back. Sit by the phone, sit all alone, waiting for you to call and tell me you wanna come home. Mistakes I made, threw love away. I know how it feels to lose everything, it hurts every day. And I'm begging you, baby, please come back to me. Back to me. Here is where you ought to be. Ought to my days and nights are so lonely. Baby, come back to me. Baby, please come back to me. Baby, please come back to me. Back to me. Here is where you ought to be. Ought to my days and nights are so lonely. Baby, come back to me. We'll be right back. Williams, Come Back to Me. 94 de service compris. La matinale de Fadjet. Vous l'attendez tous, c'est la nouveauté sur Fadjet, la matinale des 18h, c'est l'horoscope avec notre spécialiste Gisèle oui. Monchamp. Gisèle, heureuse de vous avoir oui, aujourd'hui. Bonjour. Un signe particulier aujourd'hui, puisqu'on est en plein de le mois de septembre, c'est le signe de la Vierge. Absolument. Alors, petite précision. D'abord, l'horoscope, c'est un domaine d'expertise. Hein, donc, tout ce que je dis là, c'est vérifiable et c'est correct. Alors, la Vierge, effectivement, la Vierge est sous le signe du Capricorne et qui est alignée avec Mars. Et donc, du coup, ça donne pour les gens qui sont Vierges énormément de réussite, que ce soit en amour, professionnel, des bonnes nouvelles. On parle la journée d'aujourd'hui. Hein. Exactement, voilà. On parle de la journée d'aujourd'hui. Je peux même vous dire que les bonnes nouvelles ont lieu entre midi et 13h. On parle de nouvelles de type embauche, de type nouvelles relations. Hein, voilà, donc c'est très précis. Ça ne ment pas, tout simplement parce que Mars, comme je le disais, Mars est dans la constellation Vierge. Et donc, du coup, ça donne. Voilà, c'est très précis. Pas de risque que Mars culbute Jupiter. Pas du tout. Parce que de toute façon, Jupiter, actuellement, il est dans tous les signes d'eau. Donc, que ce soit le Capricorne, les Poissons, évidemment, la Balance. Je me permets de vous arrêter juste, Gisèle, parce que nous avons un auditeur qui correspond exactement au... Ah bon ? Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né sous le signe de la Vierge. Ah bon ? Et est-ce que vous nous entendez, auditeur ? Allô ? Oui, on vous entend. Vous pouvez me redonner votre prénom, s'il vous plaît, parce que la hotline a oublié de préciser votre prénom. Je m'appelle Pierrick Pacoul. Oui, Pierrick Pacoul. Bonjour, Pierrick Pacoul. Oui, vous avez entendu Gisèle, les propos de Gisèle, j'espère, j'imagine. Oui. C'est peut-être pour ça que vous nous appelez. Oui, est-ce que vous pouvez nous confirmer Je me sens pas du tout. En fait, ça me correspond pas. C'est pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi alors ? Dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment dans le créneau au midi 13h. Bah, typiquement aujourd'hui, ma femme vient de me quitter. Je suis au RSA, j'ai pas de travail. Est-ce que vous avez une embauche entre midi et 13h ? Bah non. Sinon, je vous aurais dit que j'ai une embauche. D'accord. Non, j'ai rien. Moi, je suis. Okay. Je suis avec 20 balles par jour. Gisèle, excusez-moi, je vais couper le micro parce que là c'est intolérable. Oui. On a des auditeurs des fois qui sont intolérables. Vous expliquez ça comment, Gisèle, que ça ne correspond pas du tout oui, à notre auditeur. Ça correspond exactement à ce que j'ai dit, puisque parfois, vous savez, on dit il y a des malédictions qui sont des bénédictions déguisées. Et je pense que la femme de cet auditeur semblait, de ce que j'ai pu entendre, ça semblait d'ailleurs, sans vouloir être, ça semblait être une gémeau, donc une personne qui est très, très duplicata, d'accord, comme ça. Et qui, donc, du coup, c'est une bénédiction. Donc, la bonne nouvelle, elle est arrivée. C'est juste que ça prendra du temps pour cet auditeur de s'en rendre compte. Et l'auditeur n'a pas compris, en fait. Il n'a pas compris. Mal analysé. Et croyez-moi, je suis une experte en astrologie. Sais exactement de ce dont je parle. Voilà. Je sais très bien et je sais à quel point Fadjet vous est redevable de plein de bons conseils. Et financièrement. Est-ce que ça vous va comme réponse, très cher auditeur ? Non, peut-être que oui, peut-être que demain je me relèverai meilleur. Voilà, mais en fait, c'est même pas ça. C'est, si je comprends bien, Gisèle, vous êtes déjà heureux, mais vous ne le sentez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Pas du tout. Croyez-moi, vous êtes heureux. Très bien. Et arrêtez, tout simplement. Oui. Merci, Gisèle. Merci, très cher auditeur. Merci à vous. C'est bientôt l'arrivée de notre invité show business avec c'est Sheila Boutboul qui arriva. Eh oui, est déjà entrée dans le studio. On va s'écouter d'ailleurs Sheila tout de suite, Sheila Boutboul, sur son dernier single qu'elle a sorti. Encore merci Gisèle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau signe, bien évidemment. Je sors par là. Oui, pardon. À tout de suite. 94 de service compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Elle est là, elle est avec nous, elle est arrivée sur ce plateau, ça nous fait tellement plaisir. Bonjour chez la Boutboule. Bonjour. Bonjour chez la Boutboule. On est très heureux de vous avoir et pour cette occasion, qui de mieux que Gérard Gérard pour vous interviewer. Gérard, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est la Boutboule. Bonjour, ouais. Vous êtes venu sur le plateau pour nous parler de votre dernier album, il me semble, intitulé « Le bout de mon boule n'est pas à prendre ». Ouais, le bout de mon boule n'est pas à prendre, ouais, c'est l'album de la consécration, c'est l'album voilà, que j'avais envie de présenter, et, je suis très content que vous m'invitiez en tout cas, merci beaucoup. Mais pourquoi ce dernier album, pourquoi le sortir un 28 février, et puis plein d'autres questions me viennent, mais j'aimerais d'abord que vous répondiez à celle-ci, pourquoi le 28 février? Bon, en fait, c'est parce que tout simplement, c'est un projet qu'on a dans l'idée depuis 4 ans. Hein, c'est un truc qui remonte à 2017. Ah oui. C'est là qu'on a commencé à faire cet album. Et en fait, il se trouve qu'il est sorti le 28 février parce que le 27, on ne pouvait pas, quoi. C'était un dimanche. Et quand je lis la tracklist, je vois que les premiers singles, c'est « Je meurs, je pleure, je suis une fleur ». Un problème avec le rime en heure, c'est plutôt familial, c'est plutôt intime, j'imagine, mais pouvez-vous y répondre, Sheila, s'il vous plaît ? Non, mais en fait, si vous voulez, ça, c'est une progression que j'ai eue dans ma vie, en fait. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que je mourais. Et puis après, j'étais adolescent, j'avais l'impression que je pleurais. Uh-huh. Et puis après, j'ai passé l'adolescence et j'avais l'impression que j'étais une fleur. D'accord ? Et en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est le processus et c'est un truc que j'avais envie de montrer dans mon album. Mais je vous coupe, mais quelle fleur étiez-vous ? Quelle fleur êtes-vous d'ailleurs ? Eh ben, en fait, ça, c'est un truc. C'est en fait, quand j'étais un tout début d'adulte, j'étais un myosotis. Et après, quand j'ai eu vers 25 ans, j'étais une violette. Et après, Excusez-moi, mais ça vous fait rire. Je vous rappelle. Non, c'est parce que moi je pars. Moi je pars du studio si c'est pour se moquer de moi. Non. C'est dérangeant que vous mettiez dans cet état-là. D'autant plus qu'on voulait aborder un sujet un peu sensible. Votre relation avec Julien Doré, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre alors, vous et Julien Doré? Vous parlez de Violette, Julien Doré. Oui, alors en fait, le truc c'est que avec Julien, c'est vrai que. Ben, je vais pas vous mentir, on a vécu une histoire d'amour. Ok. Tout simplement, on s'est rencontrés sur Tinder. Et, ah oui. Oui. Et en fait, le problème, c'est que j'étais beaucoup trop féminine pour lui. Lui, il a besoin d'une femme qui soit un peu plus, vous voyez, un peu plus bourrue, un peu plus. Ce qui n'est pas du tout votre cas. Non, moi, je suis très très féminine. Je suis quelqu'un. Là, voilà. Votre voix est moi, je suis quelqu'un. Quand on vous écoute ou quand on vous voit, finalement. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Là, en plus. Et moi, je suis quelqu'un. Voilà. Quand j'ai écrit cette chanson qu'on vient d'écouter assez. Oui. C'était rapport à ma relation avec Julien Doré, si vous d'accord. voulez. Si j'en avais assez. C'est-à-dire que c'en est terminé ou alors c'est peut-être sur un épisode 2 qui va se produire ou dites-nous en plus. Écoutez, je sais pas. S'il m'écoute, qu'il faut en tout cas qu'il sache que mon numéro, il est ouvert. Mon numéro, c'est un numéro ouvert. Est-ce que c'est un dicton, votre numéro est ouvert? Enfin, c'est une métaphore non, c'est pour le dire qu'il peut m'appeler. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui, ok. Voilà. Si là, on doit clôturer malheureusement, si vous avez quelques big up à faire peut-être avant la fin de cette interview. Je voudrais juste dédicacer cette interview et cet album à... Ah oui. À Jacques Chirac. À Jacques Chirac, qu'on va écouter tout de suite, d'ailleurs, dans son dernier single. C'est vraiment une très belle transition. Merci encore, merci. Merci, vraiment. Merci de m'avoir invité. Mais j'ai failli partir, mais maintenant j'ai envie de rester. Ok, d'accord. Mais vous pouvez rester, puisque là on va enchaîner sur le journal, et vous pouvez rester, bien d'accord. évidemment, si vous voulez, à un moment donné, commenter l'actualité. Je vous embrasse peut-être. Alors attendez, je lance déjà le dernier single de Jacques Chirac. Juste, et on fait la bise déjà. On fera les papouilles après. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant. Mes nuits d'automne, j'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire quand il s'est approché. fâchée de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé au nerf, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert. D'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. C'était pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Jacques Chirac, il venait d'avoir 18 ans. 94 de Service Compris, l'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est 18h et plein de minutes, c'est le journal présenté par Bibi. On passe tout de suite aux informations nationales, aux informations internationales, avec une information assez saugrenue. On apprend qu'un virus serait à l'origine de millions, de plusieurs millions de morts dans le monde, et ce depuis un an et demi sans que personne ne le sache. Effectivement, un virus respiratoire qui provoquerait de la toux, de la fièvre et parfois même de la perte de goût et d'odorat qui sévirait depuis un an et demi. Apparemment, les autorités disent que plusieurs milliers, voire millions de personnes auraient été infectées. Une information qui est encore à mettre au conditionnel. Oui, plus effectivement, ça paraît un peu saugrenu. Un nouveau candidat déclaré aux prochaines élections présidentielles en France. Il se dit prêt à casser les voix. C'est Patrick Bruel qui s'est déclaré candidat à cette élection présidentielle. Il a été joint par nos confrères de l'AFP. On l'écoute immédiatement. Ouais, c'est en fait, c'est une volonté que j'avais de faire de la politique, je suis acteur, je suis chanteur, je voudrais aussi faire quelque chose pour mon pays, tout simplement. Voilà une information qui fera beaucoup de bruit, et qui surprend, en tout cas, qui surprend énormément. Le monde politique, effectivement, qui surprend le monde politique. On pourra suivre d'ailleurs cette information un peu plus tard dans l'émission, peut-être, ou pas. Un couple appelle leur fils Igor, polémique dans toute la région. Et oui, effectivement, c'est toute la région Lorraine qui a été bouleversée par cette nouvelle. C'est le tout premier Igor de la région. Il est né ce 25 septembre à 12h15 dans la commune de Montigny-les-Gerbonvaux. Et la polémique ne fait qu'enfler. Et on salue par la même occasion les habitants de Montigny-les-Gerbonvaux, les fameux Bachamouilles. C'est cela. Les Bachamouillettes. Bachamouillettes, effectivement. Qui nous écoutent. Tout de suite, on passe aux informations locales et nationales. Les tickets, les carnets de tickets de métro vont disparaître. Ils vont être remplacés par une innovation made in France. Eh oui, en effet, les tickets métro sont voués à disparaître avec l'invention du papier qui date un petit peu trop pour les Français. Donc, une entreprise locale s'est décidée de créer un autre moyen pour passer le métro, et en fait ce sera à partir de cure-dents uniquement, de bois de hêtre Et donc les contrôleurs auront bien sûr un microscope hein, pour vérifier pour pouvoir analyser, pour analyser en cas bien sûr de la fraude, position. Effectivement. Du gaz hilarant aurait été retrouvé dans le verre de champagne du maire de Nancy. Une enquête en cours. Et oui, bah c'est Mathieu Calvin hein, qui poussé par un rire incontrôlable, oui. N'a pas pu s'empêcher d'alerter en fait. Comment avez-vous appelé le nom du maire? Mathieu Calvin, le maire de Nancy. Oui, Mathieu Calvin Klein. Ah, Mathieu Calvin oui, Klein, pardon. Non, excusez-moi, oui, non, à chaque fois il a un troisième nom et je l'oublie. Fadjet a beaucoup de subventions de la mairie, et je préfère rectifier tant qu'il est temps, voilà. Excusez-moi. Oui, pour dire oui, donc poussé par un élan de rire incontrôlable, il a été obligé d'être amené au CHU de Brabois afin de lui montrer des vidéos de Chevalier Las Palès pour qu'il se calme. Et donc, l'enquête est en cours, on en parlera peut-être sûrement pas, mais ça risque de se calmer. 2023 sonnera la fin du tramway à Nancy. Il sera remplacé par un nouveau mode de transport. Et oui, les Nancyens pourront voyager en orange. De grosses boules à roulettes vont pouvoir vagabonder dans les ruelles nancéennes entre Place Stanislas et Vélodrome. Donc, pourquoi pas ? Malheureusement, il n'y aura que 4 places à l'intérieur et ça sentira le zeste. Merci pour ce dernier flash info. Merci à mes analystes. Tout de suite, c'est la météo. Mohamed, la météo du jour. Oui. Ah, on a perdu Mohamed, je crois que Mohamed... Ah, c'est peut-être le jet lag. Ah, j'arrive. Ok, Mohamed, vous êtes là. Oui. C'est pour l'horoscope, c'est quoi? Ah non. C'est la météo. Ah oui, alors c'est le soleil, c'est les coucoutiers, c'est tout ce qui... C'est très bien, c'est très très très bien. Dès aujourd'hui? Oui. Ouais. Enfin, en tout cas, hier. Hein. Hier, c'était sympa. Hein. Et ben, moi, j'étais à la pépinière. Pouah, c'était sympa comme très tout. Très bien. Très bien, Mohamed. Ouais. Merci, Mohamed. Oui, allez-y. Juste, je voudrais dire bonjour à ma mère parce que je sais qu'elle est contente. Mohamed, elle écoute et tout. Je coupe votre micro. On se retrouve. C'est le jeu auditeur. Maman, le jeu auditeur est tout de suite l'Arche de Noé de Sheila. C'est incroyable. Chaque fois que nous partons en vacances, on prend toujours trop d'affaires. Mais cette fois-ci, pas question. Même si mes enfants me disent... Les animaux n'ont pas de chemise, pas de robe, pas de valise. Ils nous ont vu faire nos bagages, ils voudraient être du voyage. Qu'est-ce qu'on fait? On va décider. La chouette et ses lunettes, quel regard elle a. Le lièvre aux grandes oreilles gambade déjà. On le prend, dit maman. Le canari qui s'est blessé, on ne peut pas le laisser. Prends-le si tu veux. On le prend, dit maman. Il guérira mieux. Et ton petit chien framboise frétille déjà. On le prend, dit maman. L'agneau plein de bouclettes qui dort près de toi. Prends-le, maman. Et sur la route on va penser, c'est l'arche de Noé. Enfin ça ira. La plus belle, c'est maman. On se serrera. De chercher ton papa. Sheila, l'arche de Noé, la plus belle, c'est maman. De 7h à 8h30, 94 de service compris sur Fadjet. Vous êtes bien sur Fadjet et tout de suite on va appeler un auditeur pour lui faire gagner la valise Fadjet. Bim bim bim. Allô. Oui. Alors oui, vous êtes peut-être surpris, mais est-ce que vous savez vous qui vous appelle à cette heure-ci de 18h40? C'est ma radio préférée, c'est Fadjet Radio. Oui, ah oui, oui, oui, oui, bravo. Je peux pas mettre les applaudissements, mais j'y aurais mis sinon. Non, mais... Ah, je suis vraiment très content. Alors, bon, on va aller dans le vif du sujet. Je suis en direct. Vous êtes en direct. Vous êtes en complet direct. Maman, je t'aime. Bon. Non, on va rester sérieux, sinon je vais te raccrocher à un autre auditeur. Savez-vous quel est le contenu de la valise Fadjet? Ah oui, je sais, j'aurais pas appelé si je ne savais pas. Mais c'est moi qui vous appelais. Ah oui, mais j'aurais pas répondu. Enfin, bon, ouais, je vais couper. Voilà. Alors, je vous écoute. Dedans, il y a un décodeur Canal Plus, un escalier en colimaçon. Oui, très bien, oui. La Croix de Bourgogne. Oui, oui. Un Vélib. Oui. Et un stylo 4 couleurs. Et oui, c'est gagné, c'est la valise Fadjet qui est gagnée. Du coup, ben, on va pouvoir vous livrer ça tout de suite, maintenant, directement chez vous. Vous habitez où? À Pulnoir. Ah non, quel dommage. Ben, non, notre livreur ne livre pas à Pulnoir. Du coup, Il y a un point relais. Non, fais pas de point. Arrêtez d'insister, s'il vous plaît. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que oui. vous aviez tout, mais là, voilà. La faute n'a pas de chance. Là, ouais. Bah, c'est ma faute. Très bien que vous le preniez comme ça. Je suis obligé de raccrocher avec vous, parce que, en plus, l'information est là, et l'information prime. On part tout de suite en Allemagne, où on reçoit Gérard Philippe. Gérard Philippe, oui. Vous entendez? Oui. Je récapitule pour les auditeurs qui n'étaient pas là au début de l'émission. Absolument. On est en pleine négociation entre le SPD et la CDU pour savoir, suite aux élections législatives, comment va être défini le nom du nouveau successeur d'Angela Merkel. Oui. Alors j'ai pu rentrer dans le Reichstag. Je suis dedans là. Oui. Alors je peux vous dire, les tapisseries sont magnifiques. Oui. Là, j'ai regardé. Même l'eau est bonne. Hein, je vais vous dire. Oui. Alors et j'ai pu voir pas mal de personnes. Là, je crois que les gens s'affolent. Il y a Angela Merkel qui est en train de rentrer. Écoutez, je vais essayer Oui. Angela. Non mais n'allez pas. Angela, N'allez pas trop fort. C'est pour la radio. Une ancienne. Elle m'ignore. Vous savez quoi? Elle m'ignore comme ma femme. Savez-vous? Alors, ok. Savez-vous qu'est-ce qui est en jeu dans les négociations? Qu'a proposé le SPD et qu'a proposé le nouveau parti? Oui. Alors en fait, j'ai eu vent des premières échos des négociations. A priori, à la cantine, on aurait un plat, une entrée et un dessert. Ça, c'est ce que proposait le SPD. D'accord. Alors que le CDU était pour il y aurait plat, entrée, dessert et fromage, si vous voulez. Ok. Et donc là, on est en pour parler sur ce point-là. Merci. On vous reprendra peut-être d'ici la fin de l'émission, juste pour une confirmation. Oui. Bah, je vais justement à la cantine. Je synthétise juste que le SPD aurait proposé entrée, plat, dessert à la cantine et la CDU achoppe sur le fait qu'il y aurait aussi le fromage. Merci. Merci pour cette intervention. C'est tout de suite l'émission Les Grosses Fesses, mais avant ça, un petit coup de... Vous le connaissez tous, Djibouti Boutboul. Allez, à tout de suite pour Les Grosses Fesses. J'adorais ma doudou, je me souviens. danser, qui danser, qui danser, qui danser bien. Rosalie. De 7h à 8h30, 94 de service compris sur Fadjet. Tout de suite l'émission, les grosses fesses. Bonjour public, bonjour les analystes. Merci d'être là, on est très heureux de pouvoir assurer cette nouvelle émission des grosses fesses avec autour de cette table. Oh, je baisse un peu parce que le truc est saturé. Ah, on n'entend rien là. Jason. Salut, salut tout le monde, bisous, Jason. C'est Jason. vous qui revenez de l'émission Les Vosgiens Amsterdam. Eh ouais, c'était trop bien, trop la fête. Comment vous avez fait le buzz à tel point que vous êtes maintenant une icône en France? Ah ouais, tout c'est à fait. La folie. Voilà. Et l'éditorialiste vedette du journal Tiré du 6, Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben, excessivement bien, je vous remercie Tristan, je vais très très bien. Très content. On est sur une belle lancée, donc on s'arrête pas. Oui, et puis là... Et puis il a un beau costume, hein. Merci Jason. On passe tout de suite à la première citation, sans perdre de temps. Qui a dit à Montréal « Je vous ai compris » ? Alors là, je sais même pas où est Montréal, moi. C'est quoi? C'est en France? Alors, il y a un Montréal en France, ah ouais, effectivement. Et, Montréal alors, de Madrid on... Ah oui, tout à fait. C'est un lien justement avec Madrid. Oui, vous êtes proche, hein, Jason. Clément Thomas. Clément Thomas, c'est votre réponse. J'essaye. C'est votre réponse et c'est la bonne réponse. C'est Clément Thomas qui, à Montréal, a dit « Je vous ai compris ». Alors, ouais, on répète peut-être, vous pouvez dire, Gérard, dans quel contexte? En fait, c'est vraiment très simple, hein, on a déjà écrit là-dessus, mais c'est Clément Thomas qui en avait assez d'entendre. Tourner à gauche, Clément. En mode GPS ? Tourner à gauche, Clément, encore et encore de sa femme, voilà, et de ses enfants, a répondu « Je vous ai compris ». Très bien, tout à fait, effectivement, bravo, c'est 300 euros en culture, moins pour un patient. Je connais pas du tout, moi. Je suis de l'EHPAD de Bayonne. Angela Merkel. Donc, vous connaissez qui est Angela Merkel, hein, c'est la chancelière allemande. Ah, oui. Voilà, qui vient de dire, bah, qui n'est plus chancelière à partir d'aujourd'hui. Et elle vient d'annoncer qu'elle allait changer complètement de vie professionnelle. Est-ce que vous savez quelle va être sa nouvelle vie professionnelle maintenant? Est-ce que ça a un rapport avec l'e-sport? Alors, non, je préfère vous dire non parce que ça va vous amener dans une mauvaise piste. Non, mais il y a quand même de l'activité sportive dedans. Voilà, mais c'est pas du e-sport. Est-ce que ça a rapport avec des éléphants? Oui, effectivement. Oui, vous avez une piste peut-être? Non. Non? Ah, dommage. J'aime l'éléphant. Mais vous voyez, éléphant, sport, éléphant. D'accord. Et est-ce que ça a un rapport avec l'e-sport? Non, parce que si je vous dis oui, ça va vous mener. D'accord. Par contre, c'est un rapport avec le sport. Est-ce que c'est un rapport avec Ralph Lauren? Oui, tout à fait. Oui. Donc là, vous avez tous les éléments. J'ai un logo, une personne qui a joué au tennis sur un éléphant. Voilà, c'est ça, effectivement. Je vais vous accorder le point. Effectivement, Angela Merkel va se lancer dans la conception de mode. Et effectivement, le logo, c'est, vous pouvez le redire, un joueur de tennis sur un éléphant. Tout à fait. Je sais même pas ce que c'est qu'un éléphant. Voilà. Donc on a hâte de voir parce que pour l'instant, la mode, enfin, il n'y a pas eu encore le défilé, mais on a hâte de voir ce défilé là sur les Champs-Élysées un 14 juillet. Il est fort, hein, il trouve toutes les réponses. Et il me semble, si je ne m'abuse, que le titre de la marque, ce sera Paula Merkel. Alors oui, c'est vrai, c'est Paula comment Merkel. Comment vous faites pour connaître autant de trucs? C'est le costume. Jason, vous avez l'occasion de vous refaire parce que là, c'est une question où vous avez vraiment toutes les capacités pour pouvoir répondre. Oui. En quoi va consister le nouveau protocole sanitaire à partir de demain? J'ai rien compris la question, MDR. C'est dommage. Est-ce que vous voulez que je joue J'ai une question. Est-ce que c'est en rapport avec l'e-sport? Alors. Non, je préfère vous dire non parce que ça va vous mettre dans une mauvaise direction. D'accord. C'est le ministre de la Santé qui vient de l'annoncer que à partir de demain un nouveau protocole sanitaire. Ah, c'est le truc genre quand on se lave les mains avec le masque là. Oui, c'est ça. Ça, je ne fais pas du tout moi. Alors, vous devriez. Vous devriez. Ah oui, vous verriez. Vous auriez une santé mentale complètement différente. Ah d'accord. Effectivement. Une piste peut-être non, parce que là, clairement, ça va considérablement modifier l'activité professionnelle des dentistes. Ah oui, c'est sur les... je l'avais lu. C'est quand on crache? C'est quand on crache, effectivement. Quand on crache? Eh bien... Parce que quand on va chez le dentiste, on doit cracher. Oui, tout à fait. Il faut cracher. Voilà, et là, maintenant, on ne crachera plus, On avalera le nouveau protocole sanitaire à partir de demain. Et ça a été annoncé par le ministre de la Santé. C'est que chez le dentiste, on ne crachera plus, on sera obligé d'avaler. Sa salive. Et là, on prévoit vraiment la fin des contaminations grâce à cette pratique. C'est une technique moderne, clairement. C'est révolutionnaire. Et on a la chance en France d'être en pointe sur ce genre de préconisation sanitaire. Voilà. C'est déjà la fin de l'émission. Oh là là, c'était bien. Remercie Jason. J'ai gagné quand même un point. Jason. Merci à toi, Tristan. On vous retrouve dans la saison 2 des Vosgiens à Amsterdam. On croise les mains. Ouais. Gérard, un nouveau punch, une nouvelle ligne punch sur des tirs de moments éditorialistes sur tiré du 6. Ah bah là, ça va envoyer. Je vais pas vous en dire trop, mais c'est du très très lourd. Il y a des images dans le... Très bien. On va continuer la discussion en off, parce que là, tout de suite, on va devoir laisser la place à notre invité politique qui est en train de rentrer. Patrick Bruel, vous êes là, je crois. Bonjour. Ouais, merci Patrick Bruel. Installez-vous à la place de Jason. Vous pouvez vous faire la bise entre Jason et Patrick Bruel. Mais avant, un succès mondial. J'en fais 5. Un succès mondial. Annie Cordy, la bonne du curé. Je voudrais bien, mais je peux moins. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chagouille, ça me donne des idées. Des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je peux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou-trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours bien, mais je peux toujours bien. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas Claude François. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas. La bande du curé, Annie Cordy. De 7h à 8h30, 94 de service compris sur Fadjet. Retour sur le plateau où Jason a laissé la place à notre nouvelle, comment vous appelez, nouvelle invitée politique maintenant, hein, Patrick. Absolument, Patrick, oui. Invitée politique. Je vous laisse entre les mains de Jean-Luc Elbache. Jean-Luc Elbache, bonjour, on vous laisse la main avec Patrick Bruel. Bonjour Patrick, bonjour Tristan, bonjour. Quel plaisir de vous avoir, de vous recevoir sur le plateau, Patrick. Je me permets de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes candidat à la nouvelle présidence. Face à vous, votre homologue Patrick Brouette. Donc forcément, deux Patrick. Comment allons-nous choisir le bulletin? J'imagine, quels sont vos choix politiques? C'est une... Si vous voulez, c'est une situation que à laquelle je m'attendais pas forcément en termes d'autres candidats. Si vous voulez, moi j'ai un projet que je défends pour la France. Et puis, bon, j'essaye de faire de mon mieux pour en fait emmener la France là où je veux qu'elle aille. Après, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire pour changer drastiquement? Parce que j'ai lu votre programme, il n'y a pas grand-chose. J'imagine que vous voulez faire une Macron et le révéler petit à petit. Quels sont vos plans? Quelles sont vos idées? En fait, si vous voulez, j'ai prévu de lancer un album, de lancer un tout nouvel album qui me permettra de présenter, de faire du... d'exprimer en fait ce que je veux pour la France et ce que je veux pour le peuple. Mais il sortira quand cet album, Patrick? Mais il sortira courant octobre, je pense. Courant octobre, ah, le 12 octobre. Le titre de cet album, ça sera c'est casser les voix. Casser les voix. Voilà, c'est un projet qu'on avait ensemble avec mon ami Jean-Marc Arcardi. On travaille énormément dessus depuis pas mal de temps, et puis on va essayer d'essayer de créer une espèce d'engouement. Mais concrètement, Patrick, si vous pouvez nous donner juste une petite info, quelque chose sur pourquoi on devrait aller au scrutin, bah pour vous. Pourquoi utiliser Vous savez, moi je suis quelqu'un qui fait énormément de poker et on dit quelque chose au poker, c'est le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Et en fait là, moi j'ai envie de lancer toute une campagne autour du thème que le plus important, ce ne sont pas les votes, c'est ce que vous en faites. Et en fait moi j'ai envie que la France, si vous voulez, elle reprenne cette envie de voter et d'avoir un grand engouement. Vous influencez le vote finalement. Ah mais je vais plus qu'influencer le vote, je vais essayer de quelque part de l'accaparer. Bon bah du coup on en a pas vraiment appris, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai l'impression que vous tournez autour du pot. On saura avant courant octobre votre album, bah, peut-être ce que vous allez faire. Ou jamais. Ah, si, bien sûr. Écoutez, si vous voulez, je reviendrai dans les locaux. Je ne sais pas si c'est possible de revenir dans les locaux de Tadjet. Peut-être d'exposer. On va savoir, puisqu'on a une émission culinaire et qui vous recevra effectivement pour pouvoir traiter de ce sujet. Ça serait quand même plus facile d'exprimer ce que je ressens et ce que j'ai envie de dire au niveau de là. Merci Patrick Bruel. Merci à vous. Merci Jean-Loup Elbache. Pas de problème. On retiendra Patrick Bruel. Quelles que soient les cartes, l'important c'est de savoir ce qu'on en fait. On repasse tout de suite pour clôturer cette émission sur notre fil rouge à Berlin. Berlin, Gérard Philippe, vous êtes toujours à Berlin. Oui. On rappelle que vous êtes à Berlin pour savoir où en sont les tractations entre le SPD et la CDU depuis les élections législatives en Allemagne. On vous écoute. Oui. Alors écoutez, je suis. Ein Kess bitte. Die Kesse, bitte. Oui, alors écoutez, je suis justement dans la cantine du Reichstag, hein, donc là je suis vraiment au cœur de ce qui se débat finalement. Oui. Et nein, die Kesse, bitte. Vous êtes en direct, Non, c'est juste qu'en fait, là, voilà, j'ai voulu essayer à la fois le plateau fromage, dessert, entrée, plat. Propose la CDU. Voilà, c'est ça. Et visiblement, il est très très compliqué d'obtenir. Écoutez, elle est en train de partir avec les fromages. J'en ai même pas pu. Alors, d'accord. Écoutez, c'est scandaleux. Si vous me permettez, Tristan, je vais peut-être justement devoir. Excusez-moi, je dois aller. On a compris. Merci Jean-Philippe. Ce qu'on retiendra, c'est que c'est pas encore aujourd'hui qu'un remplaçant de Angela Merkel va arriver. Merci pour ce flash spécial Berlin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, de ce pilote. C'était trop court. La matinale de 18h. Un grand merci à James d'avoir joué aussi bien Gisèle que Gérard Philippe, que je ne sais pas. On ne s'est pas rendu compte que c'était moi, en fait. Patrick Bruel. Chez la Goodball, j'étais devant l'artiste. Je dois l'avouer. Voilà, et Jocelyn, l'auditeur. Je ne rappelle même plus le nom de cet auditeur. Énormément. Comment tu l'as fait, la loose, là? Mais c'était quelque chose comme Philippe Pacoul. Philippe Pacoul. Je crois que c'est ça. Philippe, pas cool, effectivement. Un grand merci à tout le monde. Gérard Lenormand aussi. Et merci à Tristan. Merci à Tristan. Merci. El maestro. Merci. El magnifico. El magnifico. On se retrouve, je l'espère, très bientôt sur les ondes de Fadjet. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Au revoir. Bisous. Ciao.